Je voudrais maintenant aborder le futur et le conditionnel. Parce que jusqu'ici, nous les avons employés, mais sans le « tu » et sans le « voi ». Nous allons donc compléter ces deux temps. Pour commencer, je vous rappelle comment on exprimait le futur à l'origine, il y a très longtemps. Au lieu de dire « je partirai », on disait « partir j'ai ». On va essayer de retrouver cette forme, en commençant par « j'ai ». Comment dit-on « j'ai » ? Oh. Oh, oui. Et « partir » ? Partire. Partire, c'est ça. Alors, « partir j'ai » va se dire « partire o ». Voilà, « partire o », avec « o », « h-o » à la fin. Et « il ou elle partira », c'est-à-dire au départ « partir il ou elle a ». Partire a. Partire a, c'est ça. Et comment diriez-vous tu partiras, partir tu as? Partire hai. Partire hai, oui. Maintenant, dites-moi, ils partiront ou partir ils ont? Partire hanno. Partire hanno. Et maintenant, il suffit de le prononcer en un seul mot, sans le H. Et on obtient le futur. C'est comme ça qu'est né le futur tel que nous le connaissons aujourd'hui, de l'amalgame du verbe et de la forme de « avere » qui le suivait. On a d'ailleurs fait la même chose en français avec « je partirai »,« tu partiras »,« il partira », etc. En italien, le « o »,« ai », »,« a », »,« anno » se sont accrochés au « r » de l'infinitif qui précédait. Et c'est ce « r » qui aujourd'hui caractérise le futur. Donc, o, ai, a, anno ont donné ro, rai, ra, ranno. Le R de l'infinitif, qui se retrouve partout au futur, facilite aussi la compréhension, puisque dès que vous entendez ro, rai, ra ou ranno, vous savez que vous avez affaire au futur. Pour ce qui est de l'intonation, on insiste toujours sur la terminaison, sur le son qui suit immédiatement le R. Attention, pour le verbe en are, il ne faut pas oublier de remplacer le A de l'infinitif par un E, ce qui fait qu'au lieu de prepararo, on a preparerò. Preparerò. Mais rappelez-vous que cette règle n'est valable que pour les verbes en are. Comment diriez-vous à quelle heure partiras-tu? À quelle ora? À quelle ora? Partirai? Bien, à quelle ora partirai? Et maintenant, avec le vous du vouvoiement, à quelle heure partirez-vous? À quelle ora partira? À quelle ora partira? Oui. Dites-moi maintenant, vous partirez. Voi. Parti, alors, au départ, ça se formait avec avete. Oui, alors, vous prenez simplement la terminaison. Partirete. Partirete, absolument, partirete. Et pour la forme avec nous, vous emploierez la terminaison remo, R-E-M-O, partiremo. C'est très important, surtout avec nous, de prononcer clairement le futur. Pour qu'on entende qu'il y a un seul M. Partiremo. Partiremo. Partiremo. Nous partirons. La prononciation est particulièrement importante parce que si vous ajoutez un deuxième M, ça devient partiremo. Et ça, c'est un conditionnel. Nous partirions. Le conditionnel. D'accord. Donc, la seule différence entre le futur et le conditionnel pour le « nous », c'est juste un petit « m » en plus. Rappelez-moi comment on dit « nous partirions ». Partiremmo. Partiremmo, oui. Et « nous partirons » Partiremo. Partiremo. Comment dit-on « nous le ferons » Lo faremo. Lo faremo, oui. Et « nous le ferions » Lo faremmo. Lo faremmo. Comment diriez-vous le contraire maintenant? nous ne le ferions pas. Non lo faremmo. C'est ça, non lo faremmo. Et au futur maintenant, nous ne le ferons pas. Non lo faremo. Non lo faremo. Vous voyez que le R de l'infinitif est le son caractéristique du futur, mais aussi du conditionnel. Et que c'est sur le son qui suit ce R que vous devez insister à l'oral. Alors, il ne me le dira pas. Comment diriez-vous ça? Non me lo dira. Bien, non me lo dira. Un autre exemple avec nous maintenant, nous ne le ferons pas. Non lo faremo. Non lo faremo. Et nous ne le ferions pas. Non lo faremmo. Non lo faremmo. C'est ça. Une autre phrase au futur. Ils le feront. Lo faranno. Lo faranno. On insiste toujours sur la terminaison qui suit le R. Faranno. Comment diriez-vous « je ne le ferai pas » au futur? Non lo farò. Oui, non lo farò. Ce à quoi l'interlocuteur répliquera peut-être « pourquoi ne le feras-tu pas ?» Non lo farai. Pourquoi ne le feras-tu pas? Perché non lo farai? C'est ça. Perché non lo farai? Voilà, nous avons vu les terminaisons du futur, valables pour tous les verbes sans exception, dont l'origine remonte au verbe avere, avoir.